et le dimanche. Fais plaisir de te voir. Ça dit quoi, mec? Trop galère, là. C'est vrai? Ah ouais, trop galère. Comment s'est passé le culte ce matin, gars? J'ai endormi. C'est pas vrai. Attends, raconte. J'ai entendu dire qu'il pleuvait sur les bons comme sur les mauvais. Apparemment, ce n'est pas vrai, il ne pleut que sur ma côté. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Hormis mon retard de quelques minutes à mon culte, ici je me presse, me stresse. Pour arriver dans les temps, pas de peau, je béton dans les escaliers. Et là, j'en veux au monde entier. Tranquillement, calmement, c'est mon temps que je prends. Qu'est-ce que ça va changer? Je me fais discret. Les fidèles m'ont grillé, mon pasteur vient de m'afficher. Sale journée qui vient de commencer. Au milieu de l'assemblée, je commence à bailler. Je mets des coups de tête dans le vide, le sommeil m'attrape. Mes potes me frappent à coups de bip pour me réveiller, me bénir. Je les bénis à mon tour avec un bâillement. On me traite insolent, désolé sur ce coup-là, je ne peux pas faire autrement. Malgré que j'en sois conscient, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Je n'ai eu que des galères, des misères depuis hier. À croire que le monde tourne à l'envers, mais je deviens fou. Dans la galère, reste chrétien. La rage au cœur, reste chrétien. Savoir pardonner son prochain. Ouais, j'ai eu galère sur galère depuis hier, ouais mon frère. J'ai intensifié mes prières. J'ai demandé au Seigneur de la patience envers mes frères et sœurs dans l'inconscience. Mais j'espère tant que j'en crie délivrance. Tu sais, même quand tout le monde te fâche, il faut que tu saches vite tes clashs. Ne passe des clashs. Pas de rien la hache, personne ne gâche. On t'enlève ta bénédiction. Voilà la morale de cette chanson. Même quand tout le monde te fâche, il faut que tu saches vite tes clashs. Ne passe des clashs. Pas de rien la hache, personne ne gâche. On t'enlève ta bénédiction. Voilà la morale de cette chanson. Dans la galère, reste chrétien. La rage au cœur, reste chrétien. Savoir pardonner son prochain. Si c'est pas me lever même en lait, on songeait en lait. Nous t'es fait, on sait le collet. Mais grâce, mon Dieu, prome, t'as ouin tous les rivières. Qu'avait fait, frère-moi, à prier pour vous. J'essaie de garder la foi, même si ce n'est pas souvent le cas. Je persévère avec mes prières et j'espère. Chad, merci de me remonter le moral, yo. Et sur ce coup-là, tu tombes pile le poids qui blesse. Kainus Chad MC, toujours au rendez-vous. Dans la galère, reste chrétien. La rage au cœur, reste chrétien. Ouvrirons les portes du dessin. Dans la galère, reste chrétien. La rage au cœur.